Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Contributive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement elles sont rentables, au sens où elles gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir le redistribuer à leurs parties prenantes, mais pas simplement leurs parties prenantes contractuelles, aussi, quand on est contributif, à leurs parties prenantes non contractuelles. Et ça, ça fait une sacrée différence entre les entreprises de 2025 et les entreprises d'aujourd'hui en 2030. Alors, c'est quoi les parties prenantes non contractuelles? C'est celles qui n'ont pas de lien de subordination ou de lien commercial avec l'entreprise, mais qui en subissent les conséquences positives ou négatives. Et quand on est contributif, bien entendu, eh bien, on est contributif positif. On peut être aussi contributif négatif, hélas. Mais là, l'objectif, c'est de le penser en sens positif. Et donc, une entreprise contributive, en 2030, c'est une entreprise qui stocke plus de carbone qu'elle en émet, redonne, restaure plus de biodiversité qu'elle n'en détruit, rend à la nature plus d'eau potable qu'elle n'en a utilisée pour son process industriel. Donc déjà que sa dette environnementale est non seulement remboursée, mais qu'elle est nette positive. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.